Still on the subject of directions, here are a few more useful words and phrases. Comme d'habitude. As usual. Comme d'habitude, écoutez le français, puis l'anglais, puis le français encore, et répétez. Traverser. Cross. Traverser. Continuer. Carry on. Continue. Continuer. Descendez. Go down. Descendez. La place. The square. La place. Les feux. The traffic lights. Les feux. Après. After. Après. La gare SNCF. The railway station. La gare SNCF. La gare routière. The bus station. La gare routière. To fix those new words and phrases in your memory, go back and listen to them again. And then,